bercé par tes fous rires que j'aurais sûrement provoqué de tous les papas de la terre. Je serai le plus fier dans les histoires, les contes de fées que je te raconterai pour que tu t'endormes le soir. Je te protégerai des sorcières, du diable et des enfers. Je serai ton repère, phare au milieu des mers, une douce lumière. mon hiver, que je ne verrai plus clair. Je rendrai mon dernier souffle d'air, comme tous les papas sous la terre. Je retournerai poussière. Dans mon voyage imaginaire, entouré de chimères, tu seras là dans mes pensées. Je ne ferai plus l'erreur de me taire. Enfin, je te le dirai. Que l'amour est un mystère. Que la vie est éphémère. Que j'ai toujours été sincère.